Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes le troisième jour de la première lune de Sanguine de l'an 1131, soit, dit à l'ancienne, le 3-1 Sanguine 1131. Vous y êtes, enfin. Au milieu de méandres, la grande halle de la jonction, vous parvenez à atteindre le grade de loup. Venant du grade de Louveteau, puis celui-là de Louvard. D'ailleurs, excusez-moi, parce que je m'étais trompé durant un geste précédent en vous donnant le mauvais grade, mais du coup, vous y êtes Louvard et vous accédez maintenant au grade de Louveteau. Ce grade auquel vous accédez souligne votre importance. Et durant la soirée de votre promotion, tous étaient là. Aelig, Alceo, et même Cagno. Dans une entente qui parvient à masquer tout le chaos interne qui peut régner au ministère et entre ceux qui sont sur l'affaire Hipposit Bento. Votre cérémonie s'est déroulée sans accroc. Vous ne pouvez pas pourtant passer outre, en fait, le fait qu'elle était moins grandiose que votre première promotion. Peut-être le fait qu'il y a moins de monde, peut-être qu'il n'y a pas de jolis livres faits de papier sur lesquels on prête serment. Mais c'est un sentiment que vous avez, c'était quand même moins grandiose que lorsque vous êtes passé Louvard. Quoi qu'il en soit, le soir, vous vous couchez avec la baume au cœur. Le ministère n'a rien de négatif contre vous, mais surtout, il se souvient que vous existez. Et si les dires du messager métropolite sont vrais, alors vous allez bientôt reprendre du service. Qu'importe la raison pour laquelle ça vous tient à cœur, que ce soit parce que ça vous permet de ressasser, votre confrontation avec Hipposit Bento, ou que ce soit parce que ça vous permet de vous sentir utile à la société, ou que ce soit juste parce que avoir une affaire vous permet de vous occuper l'esprit, quoi qu'il en soit, l'idée de reprendre le travail vous apaise. Le matin de la quatrième journée de Sanguine, vous vous retrouvez assez tôt au QG Indigo. Alors, comme depuis une lune maintenant, vous échangez quelques banalités, au quotidien lorsque vous vous retrouvez, vous entendez toquer à votre porte. Le heurtoir de votre porte s'abat trois fois, fermement. Vous descendez tous les trois, tous les quatre, excusez-moi. J'aimerais savoir qui ouvre la porte principalement. Du coup, quelle est la première personne à faire face à cette personne derrière là. Je vais aller ouvrir la porte. Très bien. Victor, tu ouvres la porte. Victor, tu tombes sur un personnage, sur un personnage plutôt intéressant. Excuse-moi, j'ai perdu son descriptif physique. Voilà, ouais. Tu tombes sur un homme. un homme avec une assez forte carrure, mais pas en forme. Vraiment, c'est une carrure carrée, vraiment de muscles. Une énorme barbe très drue, ce qui n'est pas un style des plus favorisés. Et d'ailleurs, il y a même un style en fait très atypique. Quand tu le regardes, il a quelques tatouages, chose qui est assez rare quand même. Même si à Venise, c'est quelque chose d'un peu plus commun parce que c'est une ville d'artistes et que voilà, le tatouage est considéré presque comme une forme d'art. Tu vois, comme de l'art dérivé. Mais voilà, il a un style assez atypique. Il a une coupe de cheveux qu'on voit assez peu. Il a des cheveux longs avec les bords rasés et juste une queue de cheval qui tient en l'air. C'est un style en fait qui est très très peu commun. Pour te dire, voilà, t'as ce gars-là qui te regarde, hein, et Il t'échange un regard, voir s'il a l'air d'être au bon endroit. Il regarde un peu derrière toi, il voit du coup Esther, Kornilov hein, et Hugo. Et du coup, fait un signe de la tête. Enchanté, c'est le QG Indigo. C'est ça, évidemment. Que puis-je pour vous ? Il te tend la main. Vladimir. Vladimir Donkov. Victor. Victor Conti. Oui. Vous savez, on vous connaît un peu au ministère. Je suis votre hurleur. Je peux rentrer ? Eh bien, ma foi, allez-y. Donc je me pousse un peu et je le fais rentrer. Très bien. Tu te pousses, tu vois qu'il rentre dans le QG et en fait il se met juste en fait de manière à pouvoir être entendu par tout le monde en fait lorsqu'il parle. Mmh. Et bah du coup il reprend assez naturellement il reprend assez naturellement la conversation. Alors savez-vous mon rôle vis-à-vis de vous? Est-ce que vous avez été briefé Ouais, il parle à nous tous, hein, c'est pas à moi oui, spécialement. Oui, il parle à, oui, voilà, il parle à, vraiment au groupe. Pas la moindre du monde. On ne l'aurait pas. Oh. On nous oublie souvent, pourtant, on est important. Voyez-vous, je suis un hurleur. C'est, comment dire, pour le ministère... une façon de créer des liens entre des métropolites de votre grade, c'est-à-dire des loups, et bah, tout simplement nous. Ce qu'on sert, en fait, c'est de fluidifier la transmission de messages. Ce qui fait que lorsque vous avez, par exemple, un compte-rendu à faire, vous ne le faites pas... Vous n'avez plus besoin d'aller au bâtiment institutionnel. Vous pouvez passer par moi et je transmets toutes les informations que vous voulez. Pareil, si vous avez une requête ou quoi que ce soit. Je suis un peu vos mains, vos oreilles. Je suis là où vous avez besoin que je suis. Et, à vrai dire, j'ai même des écoutants, comme tous les hurleurs. Et si vous déplacez assez loin du bâtiment institutionnel, assez loin de là où je suis, vous pouvez venir me voir. Et je peux vous donner... selon la zone ou de votre déplacement, des écoutants, c'est-à-dire des hommes à moi qui pourront en fait me servir d'oreille, qui écouteront vos demandes, ce que vous avez à transmettre, et ils me chargeront du coup de le transmettre au ministère. Mais bon, c'est une sorte d'assistant spécialisé. C'est ça, le but c'est de fluidifier les conversations pour les métropolites ayant un certain intérêt dans le ministère. Comprenez que plus vous montez en grade, plus vous gérez des affaires d'importance et moins vous avez le temps de monter au bâtiment institutionnel entre deux déplacements. Le but c'est de fluidifier, donc je suis là où vous avez besoin que je suis. Vous savez, ma défunte mère, paix à son âme, disait que si on n'a pas d'amis au bon endroit, on n'a alors que des ennemis. Et je pense que c'est à ça qu'on sert. Vous permettre d'avoir toujours au moins un ami, là où vous allez. Eh bien, ravi de vous savoir parmi nous, dans notre, de faire partie de quelque part du QG Indigo, puisque vous en êtes maintenant un peu une ramification. Si on oui, peut moi, dire ça comme... je ne prendrai pas de votre espace vital. Moi, à vrai dire, je me contente d'aller dans des lieux assez faciles d'accès. D'ailleurs, j'insiste là-dessus, mais si vous avez besoin d'avoir un point de rencontre fixe, on peut s'en déterminer pour que ce soit plus simple. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas venu que pour ça aujourd'hui. J'ai la première missive de la part du ministère. Nous avons une enquête pour vous. Oui. Donc... cette enquête, il y a eu un meurtre, celui d'un important homme de Venise. enfin du moins d'une famille qui fut très importante. Hein. Mais, vous savez, je ne pense pas que les gens qui leur crachent dessus ont raison, mais ils ont peut-être pas tout à fait tort, parce que aujourd'hui, ils ont plus beaucoup d'influence. Patriarche de la famille, Lupo dell'Altillo de son nom, je vous transmettrai les informations sur cette plaque de cuivre, a été poignardé 4 fois. Sa mort remonte au premier, il me semble. Oui, c'est ça, le premier de cette lune. Les gendarmes ont mené une préliminaire d'enquête et ont demandé un transfert de dossier au ministère. Après examen, qui a eu lieu hier, le ministère a accepté de se charger de l'enquête. Et Cagno a tenu que ce soit vous qui récupérez l'enquête. Il disait que, selon lui, c'est une affaire parfaite pour vous remettre les pieds. Je ne pense pas qu'il ait raison, non plus qu'il ait tort. Je pense que l'affaire n'a pas l'air trop compliquée. Du coup, vous devez vous rendre à la machine. C'est juste derrière Méandre. C'est un grand lieu, vous savez. Aujourd'hui, on y confond science et religion. Enfin, vous savez, je pense pas... Je dis pas que je pense que c'est mal ou que c'est bien, mais... Je pense que c'est vrai que venant d'une... d'un lieu aussi historiquement important, c'est un peu dommage. Voilà le... les informations vis-à-vis de votre mission. Avez-vous plus de questions? Vous pouvez nous répéter le prénom et le nom de la victime. Mais tout à fait, comme dit, je vous le transfère immédiatement sur cette plaque de cuivre temporaire que je surnomme Discord. Voilà. Chouette nom. Merci. Merci, merci. Avez-vous besoin de... Bon, je ne suis pas renseigné sur l'enquête étant pas chargé, mais est-ce que vous avez besoin de plus de détails sur un point avant d'y aller, ou ai-je fini ma mission ici? Vous pouvez nous en dire plus sur les raisons qui poussent les gens à, comme ça, un petit peu les fustiger en public? Oh, bien sûr. Vous savez, vous êtes vénitien? Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de la ville? Oui, pour devenir métropolite, il faut connaître certaines bases, mais vous pourrez peut-être nous rafraîchir la mémoire. Oh oui, oui. Je comptais le faire, c'était pour savoir... Quelque chose pendant que vous nous racontez tout ça? Oh, mais avec grand plaisir. Mais si vous voulez savoir, la plupart d'entre nous ne sommes pas natifs expressément de la ville de Venise en elle-même. Non, je vois. Moi non plus, à vrai dire, mais... Ah bon? Nous n'en serions pas doutés. Monsieur Tenkoff. Oh. Oui, c'est vrai que il y a certains noms qui se font remarquer par ici. En tout cas, pour vous résumer, bon, en même temps, vous êtes en train de lui servir du cours à boire, hein, comme proposé. Vous voyez que, il vous raconte. L'histoire est simple. Enfin, l'histoire est simple. Elle n'est jamais simple, vous savez. C'est ce que disait ma défunte mère, mais... Il y a bien bien longtemps, régnait déjà ici, enfin régnait, c'est un mot qu'on exagère. Certains historiens pensent qu'il n'avait pas tant d'influence, qu'il était juste une personne importante, soit être non plus quelqu'un de pouvoir. La famille dell'Attilio, à vrai dire, la machine, hein, ce lieu que vous avez visité, que je vous recommande grandement, vous attarder sur les détails architecturaux. La machine a été construite en fait par du coup pardon a été construite du coup par du coup la matriarche de toute la famille dell'Attilio il y a de ça il y a bien bien longtemps, hein, je parle d'au moins d'un millénaire, puisqu'en fait elle a été parmi les premières la première forgeronne de Venise, qui a permis de construire cette ville, puis les premières trames, hein, qui sont parties direction des crimes et qui ont réussi à retrouver d'autres crimes. Donc, elle a toujours une bonne réputation, cette famille, voyez-vous. C'est une famille qui a été très importante, malheureusement, de génération en génération, et ce, depuis maintenant, je pense, quelques centaines d'années. il semblerait que la famille ait perdu petit à petit du pouvoir lors de l'installation de l'aristocratie, qui date quand même depuis quasiment les fondements de Venise, la famille était restée en partie en pouvoir, en contrôlant une des doges. Voilà, ça fait quand même quelques générations qu'ils ne sont plus au pouvoir et que la machine n'est plus un lieu de pouvoir, mais ça a été transformé sous ordre de Lupo, d'ailleurs, récemment. Il y a maintenant quelques décennies, ça a été transformé en espèce de musée, presque église, pour le scientisme. Et malheureusement, le côté, disons, puissant de la famille et surtout artistique a disparu ces dernières générations. Et beaucoup de gens regrettent et pensent qu'on... La famille aurait besoin de revenir au plus puissant de sa forme, voyez-vous. Juste comme ça, est-ce que, de par ma famille, est-ce que je connais un peu cette famille ou pas du tout ? C'est une bonne question. Je sais que ta famille, c'est une famille d'artistes de la Haute-Ville. Du coup, là, ça ne va même pas un GD, ça va juste être une question. Quand tu penses Haute-Ville, tu penses juste Haute-ville, genre bien bourgeois, ou très haute-ville en mode, j'ai envie de dire plus que bourgeois, vraiment pour le coup, haute bourgeoisie, limite à s'intéresser aux questions de cour, de pouvoir, de... Ma famille ? Ouais. Ouais. Ou t'es plus moi, juste... c'est vraiment le plus haut. Donc oui, clairement, il y a moyen que t'as déjà eu des contacts avec cette famille... Déjà, c'est sûr que tu la connais de réputation. Toi, l'histoire, tu la connaissais déjà. Et ouais. Clairement, je verrai du coup au moment où ils iraient là-bas, il y a peut-être moyen que tu as déjà rencontré peut-être une fois ou deux l'un des membres de la famille. D'accord. Donc de nom, ou alors peut-être que j'ai déjà entreaperçu, j'ai déjà vu ce Lupo del Attilio. Alors... Oui, je pense que oui, parce que Lupo est quand même très présent. Je l'ai vu, quoi. Oui, il est peut-être là dans une grande soirée, tu sais, que pour faire tes parents, des trucs comme ça, en mode de pouvoir où on invite les gens importants. Donc oui, tu l'as peut-être croisé, tu as même peut-être déjà parlé. Okay. Pareil pour ses enfants. D'accord. Et que... excusez-moi, je vais mettre sa voix. Vous voyez que du coup, Vladimir finit sa boisson. Et bon, je pense que vous savez ce que vous avez à savoir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je m'en vais m'occuper d'autres missives. Où est-ce que vous logez personnellement ? Oh, personnellement, je suis dans les hébergements... du ministère de la propagande, vous savez qu'ils ont quelques locaux à disposition pour certains grades, et voilà, je fais partie des personnes qui vivent dans ces logements. Et où est-ce qu'on peut... On a plus de chances de vous joindre, si jamais... où est-ce qu'on a plus de chances de vous trouver si vous n'êtes pas joignable, ou, vous savez, nous avons besoin de vous et que vous n'êtes pas disponible. Alors, si vous avez besoin de moi... À vrai dire, je peux vous attendre à l'endroit où vous le souhaitez. Je reste dans les parages chez ma mission. Je suis habitué à gérer mes affaires sans m'éloigner du point de rencontre. Donc c'est plutôt à vous de me dire où est-ce que vous voulez que je sois disponible. Je peux me rendre vers le centre de la ville pour être proche du coup de Méandre et de la machine, si vous le souhaitez. Non, c'était juste pour savoir si vous avez des habitudes de ce genre de choses qui pourraient nous aider. Si jamais vous savez, nous avons... Les hurleurs n'ont pas d'habitude, c'est plutôt notre métier d'apprendre à avoir comme habitude celles qu'on nous demande. Très bien. Bien, soit, si vous n'avez pas plus de questions, je vous souhaite une bonne journée et une bonne chance pour votre enquête, messieurs, dames. Oui. Pour ma part, ce sera tout et de vous-même, bonne journée. À ces mots, il... Au revoir. Il reprend la porte. Prochaine. Très bien. Eh bien, que décidez-vous de faire ? Est-ce que vous partez immédiatement ? Est-ce que vous discutez un peu entre vous ? Est-ce que vous... Voilà, dites-moi. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous en dites ? Je fais un petit peu le tour des avis. Bah, on va le faire. Bah, je pourrais peut-être, en un premier temps, puisque ma famille connaît, c'est la famille Telatilio. Ouais, je pourrais peut-être essayer de me renseigner via mon oncle si il serait pas au courant peut-être de. De querelles entre personnes d'une même famille. On sait très bien que les familles puissantes se tirent un peu souvent dans les pattes pour essayer de monter un peu plus haut. Donc, ce serait pas impossible que ce soit quelqu'un de la famille. En attendant, je pense qu'on ne peut pas tirer ses conclusions avant d'avoir vu le corps de la victime. Oui, c'est sûr, mais je peux aussi déjà un petit peu... Tâter le terrain. Tâter le terrain, exactement. Je propose que nous allions tous examiner d'abord la victime, et qu'ensuite, je pense qu'il est important que nous partions tous sur des mêmes bases avant de se disperser... Effectivement. Je suis d'accord. Vous vous rendez bien en route grâce au super vélo d'Esther qui sont toujours là. Vous empruntez du coup la route et comme dit en fait ça se situe pas loin de Méandre. Hein. Je rappelle que Méandre c'est un peu le centre de Venise, c'est un grand hall dans lequel on réalise énormément de choses. Il y a une galerie marchande, il y a des trucs officiels comme vos deux promotions jusqu'à présent. Et vraiment, cette maison qui s'appelle la machine, du coup, est vraiment située vraiment juste à côté. C'est pas non plus mitoyen, mais c'est vraiment voilà, juste à côté. Ce qui fait que, en termes de distance, à chaque fois, considère que c'est toujours vraiment au centre de la ville. Et donc, vous y rendez. Le voyage se passe plutôt bien, sans accroc. Et une fois là-bas, en fait, pour expliquer un peu l'architecture, vous arrivez en fait sur une petite place, en fait, qui, dans laquelle on vous demande de descendre de vos vélos, puisqu'en fait, une fois sur la place, vous rentrez en fait dans la propriété privée de la famille Del Attilio. Vous devez monter en fait des escaliers qui est construit en fait un peu en colimaçon, mais pas un colimaçon serré, hein, un colimaçon très large en fait qui fait le tour d'un autre bâtiment pour arriver en fait sur une hauteur en fait assez haute sur lequel se trouve du coup ce fameux bâtiment qui s'appelle la machine et qui a une forme assez particulière, une forme du coup particulière. Puisqu'elle a en fait une énorme éolienne en fait directement attachée à la maison et cette éolienne qui brasse du coup énormément de vent donne un côté un peu en fait un peu machine à clous, si vous voyez un peu à quoi ça ressemble, les machines qui permettent de fabriquer des clous, la forme de la maison qui est en fait une forme plutôt rectangulaire qui finit en fait à être de plus en plus fin en avant rappelle un peu cette forme là avec cette énorme, du coup, éolienne à l'arrière. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à vous présenter là-bas, et en vous y rendant, rapidement, en fait, dès que vous vous présentez à la porte, c'est un homme qui vient vous ouvrir. Je vous préviens que pour cette session-là, exceptionnellement, parce que, comme vous allez devoir rencontrer une famille d'un coup et comprendre un peu les enjeux qu'il y a tout derrière tout ça, exceptionnellement, je mettrai aujourd'hui les portraits des personnes de la famille dans le trombinoscope. J'avais dit que normalement je le faisais après session, justement pour que je puisse créer des personnages sur le tas. Là, pour le coup, ça sera plus simple, je pense, si vous arriverez à avoir le trombinoscope et si vous savez qui est qui dans la famille, parce que Je sais que c'est pas évident de rencontrer plusieurs PNJ d'un coup, comme ça. Donc voilà. Donc, vous rencontrez le majordome. Donc le majordome, quand même, pour vous le décrire en quelques mots. Donc le majordome, c'est un vieil homme, vraiment pour le coup un peu l'archétype du vieil homme, vous savez, avec les cheveux très gris, une énorme calvitie sur le crâne, et vraiment ridé, vraiment pour le coup qu'on sent qu'il y a eu l'âge qui est passé, un visage ridé, creusé par la fatigue, mais qui malgré tout se tient droit, sans aucune pilosité, et qui, vous voyez, est toujours clairement de service. Mais il est vraiment âgé pour le coup. Et lorsque vous arrivez, il arrive à vous un peu essoufflé. Vous êtes là pour Monsieur Lupo ? Très bien. Oui, nous sommes du ministère. Veuillez. Non, je vois. Nous conduire le plus rapidement possible sur les lieux. Très bien. Vous voyez qu'il se retourne et tout simplement vous encourage à le suivre. En marchant, il va tout simplement se présenter. Bonjour, je suis monsieur Tacelli, Syriac de mon prénom, si cela. Je suis au service de la famille depuis maintenant plus de 60 ans. Et. Vous savez, c'est bien la première fois qu'on a une telle chose qui se passe. J'espère que tout se passera bien pour vous. À ces mots, je vais demander, parce qu'il ne faut pas oublier quand même ça dans l'histoire, à Victor de me dire ce que tu penses, ce que tu ressens à ce moment-là. Dis-moi tout, donne-moi tes pensées, tes sentiments, tes émotions, ta raison, donne-moi tout ce que tu as à nous donner. Déjà, content de reprendre du service. On est resté pendant assez longtemps sans rien faire, se demandant même si on allait refaire une enquête un jour, alors que on avait quand même réussi à ne serait-ce que entrepercevoir peut-être la personne la plus recherchée de Venise. Et là, d'un coup, plus rien pendant très longtemps. Du coup, ben, content de reprendre du service. Et puis à la fois, on rentre dans le vif du sujet avec un noble, enfin une personne très importante qui se fait tuer. Et d'autant plus une personne que, même si je porte pas dans mon cœur ce genre de personne, une personne que je connais. Donc voilà, je suis quand même un peu assez motivé pour essayer de résoudre cette affaire et voilà. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, ça va. Je suis content. Il vous fait traverser dans toute la largeur la maison. Vous croisez ici et là d'autres habitants et vous savez que vous allez de toute façon très rapidement devoir apprendre à leur faire connaissance. Il vous les présente quand vous les croisez. Il fait « Ah, ça c'est Eléa, la petite fille de Monsieur Lupo. Ah, ça c'est Erwana, sa fille. » Et tout simplement, vous fait monter les trois étages pour le coup. Donc à chaque fois, il vous fait traverser la largeur, vous pouvez monter un étage, retraverser, monter un étage. Et vous arrivez à l'étage privé de Lupo, dans lequel en fait il va vous faire traverser un peu la moitié de la largeur de la maison et s'arrêter devant une porte. Et un peu tout essoufflé, faire bon. Eh bien, messieurs, dames, il est derrière cette porte. J'aimerais, si ça vous dérange pas, vous laisser ne pas rentrer dans la pièce, s'il vous plaît. Je ne souhaite pas revoir... Regardez. Ah oui, non, d'accord, pardon. Je croyais que c'est lui qui voulait pas que nous, on rentre dedans, genre... Oui. C'est lui qui veut pas rentrer. Vous pouvez disposer. Oui. Oui, oui, oui, mais... du coup, il n'y a pas de souci. Du coup, je veux dire. Merci. Vous pouvez disposer. Non, regardez. Je vous remercie grandement. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je réunis... Oui. La pièce dans laquelle il se trouvait était-elle fermée ? Non, elle était ouverte. N'importe qui avait accès à la maison pouvait avoir accès à cette pièce. Tout à fait. Très bien. Et, merci. Je réunis la famille pour que vous puissiez voir l'étendue de la famille. Si jamais vous avez le temps, il nous faudrait peut-être une liste également des personnes qui sont présentes sur place à ce moment-là. Eh bien, ce sont tous les gens qui sont actuellement dans cette maison, donc ça devrait simplifier la chose. À ces mots, il se redit... Enfin, à part si vous avez une autre question à lui poser, mais... Non... Okay. À ces mots, il se dirige du coup vers... Enfin, il reprend les escaliers et vous l'entendez un peu au loin commencer à hurler des prénoms. Je rappelle qu'il est mort le premier, donc ça fait 4 jours. 3. Du coup, qui se sent de rentrer en... Nous sommes le 4. On était le 3 au tout début, c'était la soirée, okay. Donc on est le 4. Du coup, question. Qui se sent du coup le courage de rentrer en premier dans cette salle avec un cadavre qui commence à ne pas se faire frais. Est-ce qu'on sent une odeur déjà là ? Honnêtement, oui, un peu. Oui, d'ailleurs, j'ai pas indiqué, mais contrairement à vos habitations, à vous, à tout ce que vous connaissez dans la basse et même un peu haute ville, les murs ne sont pas des draps étendus afin de faire des séparations. Ce sont des vrais murs. C'est une vraie maison du début à la fin. Notamment parce que ça a sûrement été une des premières à être construite, mais voilà, peut-être parce que aussi elle fait partie de la très haute, haute ville. Donc, déjà, vous n'êtes pas forcément habitué à vous déplacer dans ce genre de lotissement où normalement, vous savez, passer une pièce d'un autre, c'est juste passer sous un drap, quoi. Là, pour le coup, c'est des vrais murs avec des portes fermées et des portes de métal, évidemment, toujours. Hein. Y a pas de bois, la même chose. Et voilà, et du coup, oui, il y a une petite odeur qui se dégage, mais c'est pas non plus encore nauséabond. Je pense quand même mettre un bout de tissu au niveau de mon nez, de ma bouche, et de rentrer à l'intérieur. C'est quoi la pièce ? Il est mort ? De toute façon, je vais le voir. Eh bien, oui, de toute façon, tu vas le voir, mais je te le dis, si... de toute façon, on va se comprendre immédiatement, mais c'est sa chambre. Ok. Tu ouvres la porte, Esther, et au moment où tu ouvres, il y a effectivement par contre une odeur, là par contre pour le coup très forte et très désagréable qui se dégage. Et vous pouvez rentrer. Ce que vous voyez, c'est une chambre très grande. Hein. Vraiment, quand je dis très grande, c'est-à-dire que tu vois par exemple, Esther, tout ton appartement qui fait quand même une bonne chambre, hein, enfin qui fait quand même un étage, hein, parce que tu avais réservé, enfin tu avais réussi à te démerder pour faire un grand appartement. Il est même plus petit que cette chambre, qui fait en fait du coup quasiment la moitié de la largeur, enfin de la longueur de cette maison. Donc elle est vraiment très imposante, au point de vous demander à quoi ça sert, parce que bah, du coup il y a quand même un sentiment de vide en fait, qui en ressent, parce que tout n'est pas ultra meublé. Il y a des meubles, hein, il y a même des meubles que vous suspectez être peut-être du bois, si vous avez un doute, alors c'est sûrement pas vraiment du bois, mais vous demandez quand même si ça n'en serait pas. Après tout, ces gens-là en seraient capables. Et c'est vraiment grand, et en fait, au milieu de cette pièce, sur le côté gauche, je trouve un énorme lit sur lequel se trouve du coup le cadavre de Lupo. Donc je vais vous mettre la photo dans le trombinoscope immédiatement. Est-ce qu'il y a des fenêtres ? Alors... Il y a effectivement quelques fenêtres. Mmh. Je pense que je vais aller ouvrir quelques fenêtres. Attends, juste quel temps il fait en ce moment ? Alors, en ce moment... C'est sanguine, non ? C'est en fonction de la saison, non ? Sanguine, c'est alors, quand il fait chaud. Et c'est une excellente question. Parce que effectivement, on est en sanguine. Alors, pour l'instant, c'est le quatrième jour, mais... vous savez que déjà de base dans Ikrim le climat est très pluvieux, très venteux, C'est un peu la tempête toute l'année. Et sanguine est une période extrêmement difficile avec énormément d'orages très électriques. Et c'est une période où il fait extrêmement chaud. Là, pour l'instant, c'est le quatrième jour, donc la chaleur n'est pas montée d'un coup. Mais vous sentez que la chaleur commence à monter petit à petit. Vous savez que d'ici une, deux semaines, vous commencerez à atteindre des pics de chaleur. Ok, il va falloir vivre avec dedans pendant quelques lunes. En tout cas, c'est pas la tempête, c'est pas, y a pas genre un énorme souffle de vent dehors qui fait que genre si non, on ouvre les coup, fenêtres, ça pourrait tout changer. Tout changer. Là, justement, effectivement, non, c'est vraiment la période idéale à la limite, j'ai envie de dire pour ça, parce que du coup, y a pas de vent, mais vous savez que les chaleurs qui montent sans vent, vous savez que généralement ça prévoit une sanguine très explosive. Donc vous savez que plus tard, par contre, ça sera plus problématique. Mais pour aujourd'hui, ça va. J'ouvre la fenêtre. Les fenêtres. Oui. Alors, Lupo, t'es où ? Mais du coup, que faites-vous, hein ? Pendant que je rends Lupo juste son portrait, dites-moi ce que vous faites. Ben moi, après avoir rajouté un peu de tabac dans ma pipe pour me boucher un peu le nez des odeurs, je vais m'approcher directement du cadavre aussi près que je peux. Ouais. Pour voir ce qu'il en est. Ok. Eh ben, en t'approchant, tu vas t'approcher en fait assez proche, hein, parce qu'en fait, l'odeur vraiment là, que tu sois à 15 ou à 5 mètres, t'es plus vraiment assez près. Et y a pas vraiment une différence en fait, il n'y a pas vraiment de différence, et donc tu t'approches, et ce que tu vois, c'est du coup qu'il est allongé sur le ventre, sur le bord du lit, vraiment pour le coup, en mode, vous savez, il y a même un bras et un peu une partie de la jambe qui dépasse, et il a, tu vois, quatre empreintes de couteau en fait dans son dos. Ok. Voilà, j'ai uploadé le portrait de cette personne décédée. Il aurait été tué soit sur le lit, ou alors. Il a, du coup, j'imagine qu'il a l'air assez chétif, non ? À peu près n'importe qui aurait pu le décéder. Non, c'est vrai que c'est quoi ? Il est corpulent ? C'est quoi cette description ? Il est chétif. Je sais pas si ce serait vraiment le mot, parce que chétif, je tendance à avoir vraiment quelque chose de très très maigre, mais c'est vrai que il est un peu en dessous de la moyenne en termes de corpulence. Ok. Sans doute qu'on va essayer genre de garder dans un coin de la tête la force qu'il avait l'air d'avoir, et qu'en apercevant les personnes plus tard, on essaiera de réaliser, enfin, en tout cas, de jauger qui aurait plus ou moins eu la force de maintenir cette personne. C'est une bonne piste pour essayer de trouver. Alors ça, j'en parle aux autres. Hein, c'est roleplay. Plein de choses, par exemple, est-ce que de nos connaissances, on sait si quelqu'un qui se prend du coup 4 coups de couteau a le temps de crier ou pas ? Et du coup, il avait la tête maintenue dans un coussin, c'est ça ? J'ai pas... Ah non, il est juste sur le ventre, mais c'est une question du coup que tu vas regarder, mais il est juste allongé dans son lit qui est fait. Il n'y a pas de marque particulière de est-ce qu'on aurait appuyé dans le coussin ou quoi. D'ailleurs, ouais, même ouais. Sa tête n'est pas vraiment dans le coussin, donc... On a pu bouger derrière. Il est au bord du lit. Ça pourrait être intéressant de voir jusqu'où est-ce que son porte, est-ce que les murs en tôle, etc. Enfin, les portes en métal, etc. arrêtent le son. Mais déjà, pour savoir ça, il faudrait savoir s'il y avait quelqu'un qui était présent, si jamais il a hurlé quand on l'a tué, enfin, ce genre de choses. Les gens présents, c'est surtout les gens qui sont dans la maison étaient présents là, au moment de sa mort. Après. Ouais. Mais c'est bien. De toute façon, vous pouvez vous faire une liste de questions, parce que ouais. Là, du coup, le majordome est en train de réunir les gens, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, donc c'est très intelligent de... Moi, je vous montre une opportunité physique de s'en prendre à lui. Je vais regarder... Attends, Hugo, parce que il a un peu bugué, et je crois que t'as posé une question, il y a... J'ai dit... On sait que tout le monde était présent. J'ai loupé cette information. Oui, c'est... Il l'a dit, du coup, effectivement. Enfin, en fait, tous les gens qui sont actuellement dans la maison, c'est les gens qui étaient présents au moment du... Okay. De la découverte du cadavre. Du coup, moi, je regardais tout ce qui est le sang, parce que, en fait, pour essayer d'analyser s'il aurait été tué ici même ou un peu plus loin, il serait balancé sur le lit. Attends, sang. Tu regardes le sang. Alors déjà, je vais demander un petit test déjà en passant, mais il n'y a pas de traînée de sang. Alors il s'est pris 4 couteaux, mais il n'y a pas de traînée, il y a pas de sang. Ah, ou pas très peu. Non, il y a du sang, il y a du sang. Il n'y a pas de traînée de sang. Genre, même plus loin, il y aurait du sang et on l'aurait tiré. Pour qu'il arrive jusque là. Genre, il n'y a pas de traînée de sang. Les draps sont imbibés de sang. Ça, les draps sont seulement imbibés de sang à l'endroit de la blessure, ce qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a sous le lit? Attends, parce qu'il fallait que je fasse un jet. Ouais, non, mais c'est bien qu'il pose la question. Fais pas, je gère le rythme. Donc, tu dis-moi de te faire un geste, s'il te plaît, de. Je pense traumatologie, si je dis pas de bêtises. Et sous le lit, tu vas te pencher, tu regardais un peu ce qu'il y a sous le lit. Et il y a pas mal de poussière déjà. Et il y a un petit coffre en bois. Enfin, en bois. Vous savez, c'est pas vraiment du bois. Ça, tu le reconnais. C'est. Alors, oui, déjà, c'est une layette, mais c'est le bois là, par contre, particulièrement. Il est assez reconnaissable, c'est le bois qui est fait à partir de fleurs d'écrime. Je vous l'ai dit que la fleur d'écrime pouvait servir à faire des textiles, mais aussi du bois, qui est de moins bonne qualité, mais qui permet d'avoir un petit effet bois sur des petits objets. On fait pas des maisons avec ça, évidemment, parce que ça serait une catastrophe. Mais voilà, du coup, quand je dis de bois, généralement, mis à part exception, comme par exemple les meubles où vous avez un doute, ou le livre sur lequel vous avez prêté serment, généralement, voilà, je parle de bois à base de fleurs d'écrime, hein, en général. Donc voilà, il y a ce petit layette. J'aimerais regarder un truc aussi également. Est-ce que le couteau est toujours planté dans le dos ou pas? Non, il n'y a pas l'arme du crime. D'accord, bah je vais chercher son dos de voir si elle est à proximité. Et très bien. Dans les cas, fouiller la pièce. Voir si on tombe sur... Tu fouilles la pièce. Des plaques de cuivre, disques, signes de menace. Très bien. Est-ce qu'on a l'air d'y avoir volé? Alors, en termes de volée, bon, en tout cas, c'est une pièce, comme je dis, qui fait très vite pour à cause de sa grandeur, mais qui est, tu penses, normalement meublée. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros manques pour le moment, et peut-être que si c'est le cas, les gens vous le diront, mais à vue d'œil, ça peut l'air. Pour répondre, du coup, d'abord à Victor, puis je reviens sur toi. Victor, toi, c'était... Oui, la bêtise. Il y a un truc que tu remarques, c'est que quand on dit que le... Alors, comment dire ça? Parce que faut pas surinterpréter ce que je dis. C'est juste que, contrairement par exemple à l'image qu'on pourrait avoir, quand je dis le drap est imbibé de sang, c'est pas non plus énorme. Tu vois, c'est pas le drap qui est devenu tout rouge d'un coup. Tu vois, c'est très local. Hein. Il y a quand même du sang, hein, il y a quand même dans le drap. Mais voilà, le mot imbibé, faut pas non plus trop le surinterpréter, c'est pas non plus... Beaucoup de sang. Immense, voilà, c'est pas une mare de sang non plus. Tiens. Oui, justement, oui. Ça me fait penser du coup, il n'y a pas de sang qui a traversé le matelas pour arriver dans celui. Alors, c'est une excellente question. Que j'ai pas réfléchi, je te l'avoue, je vais réfléchir très rapidement en termes des informations que j'ai dans ma tête. Est-ce que le. Oui, alors, en fait, pour que ça traverse, c'est ça, il faudrait que le matelas soit imbibé, c'est ça? Il faudrait quand même beaucoup de sang, je pense. Ouais. Parce qu'il faudrait que dans ce cas-là, tu te fais longtemps. Ouais. Dans ce cas-là, non, il n'y a pas de sang qui a traversé le matelas. La gravité, entre guillemets, pas fait couler le sang non plus plus que ça, quoi. Enfin, ouais, j'ai jamais eu de poignardé sur moi. J'imagine sur le ventre qui s'est fait poignarder, il y a du sang qui va couler, mais de là à imbiber le matelas complètement et couler en bas, je sais pas. Et du coup. Pour répondre à ta question, Esther, par rapport à quand tu fouilles, etc., tu trouves pas le couteau ou le poignard, en tout cas l'arme blanche qui a servi au crime. Et il y a beaucoup d'affaires encore une fois. Il y a des plaques de cire, il y a des disques en cuivre, et ainsi de suite. Mais ça a l'air d'être des affaires personnelles, et surtout, il n'y a rien qui a l'air d'être... particulièrement caché, tu vois, genre par exemple sur un tiroir, peut-être que tu vois, il y aurait une menace ou un truc comme ça, t'as pas trouvé en tout cas de double fond, de trucs comme ça. Donc voilà, il y a rien qui sort du quotidien, tu sais qu'il a, enfin maintenant, vu l'importance de la famille, tu doutes qu'il doit avoir des archives, des trucs importants à gérer, mais il n'y a rien pour l'instant qui te sort du côté. L'ordinaire. Ouais. Ok. Du coup, sinon, je voulais savoir, la layette, est-ce qu'elle a une serrure? Est-ce que c'est juste un... ou non, c'est... Alors, elle a effectivement une serrure qui demande une clé. Ok. Alors, dans ce cas-là, je vais la sortir précautionneusement. Si elle est pas trop... Enfin, c'est vraiment... C'est petit, hein. C'est pas oui, une énorme le mal. Coffre est... Enfin, je sais pas si t'as ma caméra, mais il fait cette taille-là, quoi. Oui, ok. Ok, oui, d'accord. Bah, je vais la sortir, du coup, et regarder s'il y a aucun signe d'infraction ou ce genre de choses. Très bien. Déjà, si elle est fermée... Oui, alors le layette est fermé et il n'y a pas de signe visible d'infraction. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de marque de forcement ou quoi que ce soit du genre. Ok. Ouais. Ouais, après, j'aurais des trucs, des actions à faire, mais j'ai peur que ce soit par rapport à l'époque. Dis-moi. Demande et je te dis ce qui est dans les. CIS, mais est-ce qu'il y a des marques de. Tu sais, il s'est débattu ou. Tu sais, qu'il aurait pu avoir des pour. Je profite de ta question du coup pour restituer un peu où on en est. Effectivement, tout ce qui va être trop technologique comme tu vois l'ADN et trucs comme ça, on n'y est clairement pas. Mais oui, non, mais. Je te lis et mais ta question est très très intéressante et j'y reviens, mais comme ça permet à tout le monde pour voir où on en est. Et par exemple l'autopsie, c'est quelque chose qui est pratiqué mais dans des cadres très restreints, très c'est soit très exceptionnel soit totalement illégal, hein. Mais c'est pas quelque chose, par exemple je rappelle que pour l'affaire Procedimento Fotus, qui avait pas l'air si important que ça, vous avez pas eu possibilité de demander une autopsie. Okay. Du coup, voilà, là, c'est peut-être que si vous demandez, il y a moyen parce que vous êtes face à quelqu'un de normalement important pour la ville. Mais voilà, sachez que c'est possible. Très souvent, on passe par des méthodes un peu illégales de scientistes qui essayent de comprendre mieux le corps humain. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est d'aller trop loin, c'est toujours interdit. Hein, on est toujours dans ce truc de, il faut pas aller trop loin dans nos recherches scientifiques parce que. Il y a la menace des crimes qui risquent de recommencer. Mais voilà, et donc vous êtes à cette étape-là, donc il y a quand même des choses qui existent déjà un peu, et par exemple, regardez un peu sous les ongles, tu vas pas regarder vraiment en mode SNCS, tu vas vraiment zoomer, voir si tu... Mais vous avez quand même l'habitude de regarder, est-ce que les ongles peuvent être abîmés, est-ce que... Tu vois, par exemple, un petit morceau de peau sous l'ongle, tu le verras peut-être pas, parce que je sais pas si ça se voit facilement à l'œil nu, mais tu peux... Vous avez quand même l'habitude de regarder... Les signes quand même de est-ce que quelqu'un est-ce qu'il a des ongles abîmés, est-ce qu'il s'est défendu, est-ce que voilà. Et effectivement, ça par contre, tu le connais, donc c'est juste en fait, vous êtes vraiment un juste milieu. Il faut voir vraiment encore une fois époque victorienne en termes de. C'est pour ça que je préférais déjà, tu vois, être un peu. Mais c'est très bien, c'est très bien. Il y a deux trucs que j'aimerais regarder moi rapidement dans ma fouille, deux informations que j'aimerais connaître dans ma fouille. Est-ce que j'ai trouvé une tasse, un verre, une bouteille de vin quelconque posée si possible près du lit? Non, il n'y a pas de ça dans la chambre. Du coup, j'aimerais quand même prendre une espèce de... J'imagine qu'on doit avoir un petit peu de matériel quand même avec nous. Prendre une espèce de petit bâton et lui bâtonner plutôt. Et lui entrouvrir les lèvres pour voir s'il a l'air d'avoir bavé ou quoi que ce soit. En fait, j'aimerais savoir si... Il était conscient ou par exemple s'il aurait pu être drogué avant de se faire poignarder. C'est une excellente question. Court pour devenir métropolite, qu'il arrivait que certains poisons provoquent quelques réactions au niveau buccal. Après, honnêtement, s'il aurait eu une grosse mousse blanche, je pense que je vous l'aurais décrit. Mais c'est une excellente question. On n'oublie pas que dans les crimes, il faut poser des questions parce qu'il n'y a pas de jet de perception. Donc, si vous posez pas la question, ça n'existe juste pas. Pour vos personnages. Donc, c'est une excellente question. Du coup, tu vas pouvoir essayer de prendre un petit bâtonnet, etc. Et essayer de voir, effectivement, sans trop le toucher, même si, en vrai, vous avez quand même l'habitude de rentrer en contact un peu avec les cas. Enfin, vous, pas forcément, parce que vous n'êtes pas formé spécialement pour la criminelle, à la base. Hein. Vous êtes là, normalement, pour la gestion de l'information, vous êtes quand même métropolite, mais visiblement, on a l'air de faire de votre cellule une cellule d'enquête. Mais voilà, juste, tu vas pouvoir prendre de quoi lui écarter les lèvres. Et je te réponds, juste après avoir répondu, du coup, à la question de Gossed, qui... La question de Gossed, qui était... La question de s'il avait des traces de ah oui. Combat, et tu regardes s'il a l'air d'avoir les mains abîmées. Non, ses mains sont absolument parfaites. Enfin, c'est mains de vieil homme, hein, donc elles sont abîmées par l'âge, mais il n'y a pas de signe... Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire que pour son âge, il est full... ses mains sont très bien. Excusez-moi pour l'utilisation du terme anglicisme qui est venu comme ça dans ma narration sans aucune raison. Voilà. Pour son âge, ses mains sont très jolies, très bien entretenues. Vous vous en doutez que vu sa richesse, vous pensez qu'il prend des soins exprès. Mais voilà, du coup, il n'y a pas de signe extérieur de blessure qu'il aurait pu avoir. C'est différent. Ouais, il fait des manicures, ça c'est clair. Et donc, Esther... Oui, ouais, oui, c'est juste... Je sais pas si je me suis vraiment trompé ou pas, mais je cherche plus mince sweet et j'ai dit poison, mais j'entendais drogue dans ma tête. Est-ce qu'il a été drogué? Ok. Évidemment, oui, c'est clairement de le poignarder, mais c'est de l'empoisonner avant, a priori, moi. Donc, voilà. Du coup... Je sais pas si ça change quelque chose, je sais pas du poison que je cherche, enfin peut-être, hein, mais plus. Bon. Si c'est ça, c'est ouais. Ça, mais si tu tombes sur autre chose. Mais voilà, du coup, tu regardes et il n'y a pas de surplus de bave. Le corps, pour un cadavre, est plutôt normal. Alors, je ne sais pas trop si on est sans... Ça, par contre, c'est vraiment moi qui ne sais pas vraiment si quand on meurt, il y a un surplus de bave ou pas par défaut. Mais voilà. Donc, considérez que les informations que tu vois sont pour quelqu'un normalement mort. Il n'y a pas un surplus, il n'y a pas de... Ni en moins. Ça, je sais pas si c'est vrai non plus, mais ces points sont restés fermés. C'est en disant genre. Je ouais. Passe à Antoine parce que ça fait deux fois qu'il essaie de dire un truc. Oui. J'aimerais savoir comment il était habillé. Comment est-ce qu'il. Enfin, et du coup, est-ce que les coups de couteau ont transpercé ses vêtements, ce genre de choses. Eh bien. Il est habillé pas dans une tenue de chambre habituelle, dans le sens où c'est vraiment tenue pyjama auquel t'irais dormir. Il a quand même une tenue un peu plus élevée en mode, je sais pas comment décrire ça, mais vous savez, le genre de tenue que tu pourrais mettre en soirée pour par exemple aller dîner avec des gens et te coucher immédiatement après. Ça fait quand même un peu habillé, mais t'es quand même en mode relax détente. Je saurais pas mieux décrire ces vêtements-là, je suis désolé, mais je sais pas si vous voyez l'idée. C'est un pyjama de Lord. Ouais, c'est ça, c'est un pyjama de Lord, c'est exactement ça. Donc voilà. Okay. Esther, je reviens à toi, du coup. Yes. Tu me posais une question. J'ai oublié ma question. C'est pas grave, c'était pas de vous. En vrai, j'ai une question par contre que je voulais poser, donc c'est pas grave du tout. D'accord. Bon. En tout cas, vous fouillez bien. Déjà, petite parenthèse, mais je vous félicite. Est-ce que vous avez d'autres choses, du coup, à que vous voulez regarder, que vous voulez... Moi, je veux chercher pour du sang ailleurs dans la pièce, mais pas dans le sens des flaques de sang ou quoi que ce soit. Je m'explique, c'est parce que j'aimerais savoir s'il y a des effusions de sang, en gros, pour peut-être partir du principe de si les coups de poignard, ils ont été ultra vénères. Et aussi, pourquoi pas, si quelqu'un, par exemple, en partant, a laissé du sang sur la poignée, par exemple, en utilisant la main, ou quelque chose comme ça. Voilà. Eh bien, tu regardes, d'abord pour les effusions de sang, voir si les coups de couteau auraient été très violents et auraient éclaboussé. C'est pas le cas. Pour le coup, il n'y a pas de gouttes ou de gouttelettes qui seraient parties un peu sur les murs ou quelque chose du genre. Donc, tu t'intéresses plus à la piste de est-ce qu'en partant, ils auraient pu ne pas faire gaffe et toucher un objet, etc. et qu'il y ait du sang. Et c'est une bonne question. Alors, vu ta demande, je suppose que tu fais vraiment gaffe aux détails. Hein. Mm-hmm. Parce que c'est le cas. Il y a un objet, mais en fait c'est très discret, c'est pour ça que pour l'instant les autres l'ont pas vu, parce que c'était des fouilles plus générales. J'avais que comme Ekrim n'a pas de jet de perception, en gros, c'est moi qui interprète en gros vos demandes pour savoir à quel niveau de détail vous vous attardez. N'hésitez pas à détailler si vous voulez chercher des trucs très spécifiques, parce que voilà, Ekrim l'oblige un peu de fonctionner comme ça. Tu remarques en fait que l'un des tableaux, donc c'est un tableau sur toile, hein, qui est pas particulièrement encadré, l'encadrement est pas forcément quelque chose de commun dans le monde des crimes. Des fois on encadre, des fois non, mais c'est pas comme chez nous où on a tendance à beaucoup encadrer. En tout cas, sur ce tableau, en fait, il y a une mini trace de sang, mais vraiment, tu vois, la moitié d'un pouce, et sur le coin inférieur droit. Et en fait, c'est très petit, surtout c'est couleur sang foncé, sang séché, et que le tableau est déjà assez sombre. Donc en fait, si tu aurais pas vraiment passé ton temps à passer quelques minutes à vraiment chercher dans les détails, tu serais aussi passé à côté comme énormément de gens ici. Il est où ce tableau, tu m'as dit ? Il est sur le mur, il est en gros entre quasiment au milieu, entre la porte et le lit. D'accord. Alors moi, de mon côté, j'aimerais bien examiner toutes les entrées et les sorties, donc les fenêtres, surtout les fenêtres en fait, et regarder s'il n'y a aucune trace d'effraction particulière, et puis surtout, si jamais c'est possible, j'aimerais bien regarder s'il y a possibilité de monter, de venir, d'essayer de s'introduire par la fenêtre ou quelque chose du genre, quoi. Alors, il n'y a pas de traces d'effraction. Vraiment, tu peux regarder en détail et rien n'a l'air d'être forcé. Ça a l'air d'être vraiment interne à la maison. Et surtout, ce qu'il y a d'extérieur, en fait, c'est que c'est une énorme façade qui est plate. Et donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de façons de monter ou de descendre à partir des fenêtres, parce que ça fait quand même une sacrée hauteur à monter en 3 étages. Pour atteindre du coup la fenêtre. Donc en fait, c'est plat, mis à part peut-être si quelqu'un a une échelle, chose qui n'est pas impossible. Voilà, y a pas, en tout cas, il n'y a pas d'accès en soi, ou genre même tu pourrais escalader ou quoi, c'est vraiment trop plat. Ok. Et qu'est-ce que ça donne au niveau du plafond ? Le plafond. Il n'y a rien de spécial à notifier. Il n'y a pas de trappe, il n'y a pas de grenier. En fait, le plafond, c'est vraiment déjà la toiture. Ah, donc, ça, c'est intéressant. Pas d'espace particulier. Pas de fenêtre, pas de Velux. Ah non, il n'y a pas de Velux directement non plus. C'est vraiment le toit, en fait, qui ferme la maison. Avez-vous d'autres questions ? Ou préférez-vous commencer à voir ? Troisième. Ouais, pardon ? Dernière petite question rapide avant de retourner, d'aller voir la famille. On est à quel étage ? Vous êtes au troisième. Ouais, c'est ça. Merci, je l'avais pas noté. Et pas de soucis. Du coup, vous êtes d'accord pour aller voir la famille ? Ouais. Mm-hmm. Bien sûr. Oui, on a déjà passé suffisamment de temps. Oui. Très très bien. Alors, vous allez descendre. Je vous encourage, parce que avant de les présenter, j'ai posté tous leurs portraits avec leur nom sur le trombinoscope secondaire. Donc, je vous encourage à vous y rendre, parce que ça sera plus simple pour quand je vais les présenter. Vous aurez directement le visage. J'essaierai de faire une petite description physique, mais voilà, ça sera sûrement plus simple comme ça, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens à retenir. Donc, voilà, Je montre les gens et après on fait votre entrée en scène, comment vous entrez en contact avec eux. Alors voilà, c'est pendant que vous êtes en train de marcher, en fait vous regardez les tableaux dans les couloirs, il y a un tableau par personne de la famille, ce qui vous permet de les connaître. La première personne de la famille, c'est le frère de Lupio, le petit frère. De Lupo, pardon, qui s'appelle Alessandro del Attilio. son portrait vient d'être posté. Il y a ensuite la fille de Lupo, qui est Erwana del Attilio, et je vous mets son portrait immédiatement. Mais après Erwana, vous avez du coup la fille d'Erwana, donc la petite fille de Lupo, c'est pour ça que je vous upload tout le monde, parce qu'il y a un arbre généalogique à suivre quand même. Écrime, elle est là, qui s'appelle Eléa. Ensuite, vous avez le fils de Lupo, qui s'appelle Luigi del Attilio. Et ensuite, il y a le mari, du coup, de notre cher Luigi, qui s'appelle Alan Arne. Et normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y a tout le monde dans la famille. Donc, maintenant que vous avez le trombinoscope et vous pouvez voir absolument tout le monde, eh bien, je vous laisse me dire quelle entrée en scène, enfin, quand vous arrivez, parce que tout simplement, en fait, vous arrivez dans le grand hall, et dans le gros hall, qui c'est un peu de salle d'accueil, qui est pas non plus l'antichambre, mais voilà, qui est la salle d'accueil où il y a de quoi s'asseoir, etc. Toute la famille est réunie, assise, en train de discuter. Comment vous rentrez en scène? Est-ce que vous arrivez, vous présentez? Est-ce que vous... Voilà. Je vois bien quand Andy va arriver avec sa pipe comme ça. Eh bien, bien bonjour. On peut laisser Kornilov faire le speech pour les intimider. Genre en mode... Ils vont être Kornilovés d'ici peu de temps. Ils vont admettre qui est coupable en 2 secondes. J'ai hâte. Eh bien, c'est toi, connasse. Non, perso, je rentre dans la pièce un peu en mode je regarde un peu tout le monde, je les salue sans trop avoir de regard insistant plus sur une personne que sur une autre. Je balaye un peu du regard, essayer de voir un peu comment ils nous jaugent au moment où on arrive, et puis je les salue, puisque quand même je suis quelqu'un de poli. On a affaire quand même à une famille, même si elle a perdu de sa superbe, ça reste quand même une famille de... Oui. Importante, donc voilà. Et d'ailleurs, Cornelia, du coup, juste avant que tu fasses ton speech, parce que visiblement, le groupe est d'accord pour te laisser parler, alors avant que tu commences le dialogue, je vais demander qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens, et ainsi de suite. Eh bien, Je me sens bien, je me sens utile, parce qu'il faut dire que pendant l'enquête il procedimento, Cornelio a toujours été très actif, il s'est jamais laissé le moindre temps pour se reposer, donc le repos imposé qui a été donné après que Kaino ait récupéré l'affaire, Cornelio il s'est pas vraiment habitué à ce rythme de ne rien faire, donc maintenant qu'il fait quelque chose, il va le faire. Voilà. Très bien. Eh bien, je te laisse enchaîner, du coup, avec ton entrée en scène sur qu'est-ce que tu leur dis, etc. Très bien. Bon, je vais rentrer à la suite de mes compagnons, en m'adressant un peu à toute l'assemblée, avec mesdames et messieurs, bonjour. Tout le monde te salue. Ah oui, tout le monde te dit bonjour très poliment, et même la petite fille qui fait bonjour monsieur. C'est elle. C'est tu es là. Ça se voit, c'est elle. Ah, comment vous avez su? T'as une voix mignonne. Pour commencer, j'aimerais que vous me montriez tous vos mains. Ok, tu vois que il y a un visage un peu d'incompréhension, et très bien, et tout le monde tend ses mains. Eh bien, je regarde les mains. En réalité, je me doute bien que même tu regardes les mains sont nettoyées, mais c'est pour J'ai établi ma domination. C'est pour mettre la pression. Très bien. tout le monde, du coup, te laisse examiner les mains. Tu peux même prendre les mains, tu vois, les tourner, etc. Et effectivement, hein, tout le monde a les mains très propres. Un peu comme... finalement, un peu comme le patriarche, hein, Lupo. Tout le monde a des doigts magnifiquement bien manicurés, etc. Donc, c'est très propre. Mais bon, tu t'y attendais. Très bien. J'aimerais qu'on commence par, et j'aimerais dans ça que vous nous donniez votre plus parfaite coopération, que vous me disiez à quel moment de la journée, il y a 4 jours, le corps a été découvert. Tout à fait. Il s'agit du premier de cette lune. C'est du coup Erwana qui prend la parole. Le premier de cette lune, nous avons trouvé père dans sa chambre au matin, et c'est notre majordome qui réveille les gens. Il est pauvre. Et tous les gens qui étaient ici dans cette pièce étaient là à ce moment-là, ni moins ni plus. Luigi prend la parole. Tout à fait. À vrai dire, nous voyageons assez peu ces derniers temps, et les personnes ici présentes sont les gens qui sont là depuis maintenant quelques semaines dans cette maison. Personne n'est rentré, personne n'en sort vraiment. D'accord. Donc vous n'êtes pas sorti entre-temps. Bien, si. Vous comprenez qu'on a dû aller chercher des gendarmes afin de signaler le malheur qui s'est abattu sur cette maison. Mais, mis à part ça, quelques courses quotidiennes afin de se sustenter, non, nous n'avons pas particulièrement quitté la maison. D'accord. Ça, c'est des affaires domestiques, c'est pas vous qui vous en êtes occupé. Oh, détrompez-vous. Sachez que des fois, avec mon mari, nous en aurons allé au marché. Vous savez, rencontrer des gens, sortir un peu, ça fait du bien. C'est moi qui ai été faire les courses ces derniers jours. Et mon mari, ici présent. D'accord. Est-ce que le défunt a eu un comportement spécial la veille? Peut-être. Il y a un petit silence. Et au bout d'un moment, Alessandro, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, je ne suis pas forcément doué en italien, mais on va dire Alessandro pour faire plus simple, prend parole. Évidemment que si, mais ça ne date pas de la veille. En ce moment, Lupo était étrange, il nous reprochait des choses tout le temps, toujours sur notre dos, il était devenu en colère. À propos de quoi? Est-ce qu'il avait des sujets de prédilection? Elle était juste en colère, tout le temps, sur tout le monde. Ouais, mais moi aussi, je pouvais être en colère, mais de quoi il parlait? De nous. Il n'y avait pas... Ce que je veux dire, c'est que... Prenez un verre, buvez un peu trop vite, et ça suffisait. D'accord. Est-ce qu'il avait une cible de prédilection? Est-ce qu'il était plus en colère plus souvent avec vous, par exemple, avec la petite? Non, non. La petite était un peu épargnée, vous savez. Évidemment. L'âge. Mais non, je... Non, non. J'imagine, bien entendu, que vous n'avez pas eu d'invité cette soirée-là ou dans la journée avant. Non, en effet. Père voyait assez peu de gens ces derniers temps. Je vais jeter un coup d'œil pour l'instant à mes compagnons s'ils ont d'autres questions à poser à la famille. Bon, j'en ai peut-être d'autres, mais pour le majordome. Mais sinon, je laisse continuer avec la famille. Très bien. Qui a découvert le corps ? Le majordome. Le majordome. C'est lui qui réveille les gens le matin. Donc le corps a été découvert au réveil. C'est cela, oui. Donc aucun cri, aucun bruit n'a été entendu dans la nuit qui a précédé la découverte du corps parmi l'un d'entre vous. Non, il y a eu quelques bruits d'une maison qui vit. On ne fait pas très attention, mais pas de bruit alarmant, pas de cri, pas de choses du genre. Quand est-ce que vous avez vu, qui a vu pour la dernière fois, du coup, ce chef, retraité Lupo? À moins que quelqu'un soit allé le voir après qu'il se soit couché, c'était tous ensemble, c'était lorsqu'il a quitté notre repas pour aller dans sa chambre. Très bien, et donc, de quoi avez-vous parlé pour la dernière fois avant que vous ne le revoyez plus ? De ma fille. On discutait. Vous savez, Eléa n'a pas encore de nom de famille, et c'est une question assez cruciale de savoir si elle peut porter le nom d'Elatilio. Et c'était... Parce que, voyez-vous, notre nom reflète un certain mode de vie, une certaine expérience. Et mon père ne l'accordait pas au premier venu. Il fallait attendre que Eléa continue de grandir, voir ce qu'elle devenait, pour voir si elle méritait de porter le nom de la famille. D'accord. Par exemple, vous, monsieur Arne, c'est à cause de cela que vous ne portez pas le nom de d'Elatilio, ou bien c'est tout simplement que vous avez souhaité conserver votre nom après votre mariage avec monsieur d'Elatilio? Alors, je me permets, dans le monde des crimes, en fait, on ne se transmet pas le nom au moment du mariage, en fait. Ah, mince, ok. C'est assez rare, en fait. En fait, la transmission de ce nom se fait plus sur les descendants quand il y en a, et en fait les enfants dans les familles pas aussi spéciales que ça choisissent en fait quel nom de famille ils veulent porter entre le père et le fils, en fait, enfin le père et la mère évidemment. Spécial les familles de Venise. Quelle est l'occupation de chacune des personnes qui vit ici? Avez-vous un rôle particulier dans cette famille? Eh bien, voyez-vous, père gérait la partie visite de ce lieu. Pas sans savoir que la moitié du bâtiment est réservée tout simplement à un musée pour tout ce qu'a fait notre famille, mais aussi, parce que mon père était très intéressé à ça, sur des questions de recherche scientifique, sur ce que nous permet la science, en bien entendu dépasser les limites. Nous sommes assez civilisés pour savoir où s'arrêter. Et donc mon père s'occupait de ça. Quant à moi, je m'occupe principalement de ma fille. J'ai arrêté mes activités annexes pour pouvoir m'occuper de son éducation. Mon frère, quant à lui, disons que il occupe plus ou moins un poste de... Mince, j'ai oublié le terme. C'est pas missionnaire, c'est... Administratif. Ouais. Non, enfin, en plus, on a déjà rencontré des gens comme ça, je suis désolé, j'ai oublié le terme. Enfin, bref, c'est quelqu'un qui se rend, en fait, dans des lieux d'influence et qui permet de représenter un parti, un pays, un truc comme ça. Le lobbying ? Ambassadeur ? Non, pas tout à fait. C'est plus dans le côté, par contre, missionnaire envoyé par... tu vois. Mais bon, bref, c'est dans cette idée-là. Okay. Ouais, un peu diplomate, ouais, dans ce côté-là. Alan fait le même métier que lui. Et, évidemment, Monsieur Tacelli est notre majordome. Et voilà. Qu'en était-il de Madame Nella Tilio ? Est-elle décédée il y a un certain temps ? Oui, mère est morte lors de l'accouchement de mon frère. Vous avez donc déjà tué un membre de la famille. Non, j'ai... Ah, c'est pas la première fois en plus. Et depuis, votre père n'a aucune relation. Là, c'est Luigi qui prend le rôle. Non, père, vous savez, il était plutôt solitaire. Beaucoup lui reprochent dans la ville, mais il préférait la science que les hommes. On peut même dire qu'il était plutôt misanthrope. J'aurais une question à poser au majordome. Tout à fait, il est juste là. Oui, bien sûr. J'aimerais être sûr de certains points. Évidemment, donc, la maison est fermée la nuit. Tout à fait. À clé. Tout à fait, je verrouille. Je vais jusqu'en bas de la place afin de verrouiller les portails qui empêchent les gens normalement de rentrer dans la résidence. Quand ici ne possède de clé. Si... la famille Attilio possède chacun des membres. Donc, à part les pièces actuellement, personne d'autre de l'extérieur n'aurait pu rentrer ce soir-là. Oui. Sans en tout cas l'aide plisse à l'intérieur. Tout à fait. Il n'y a pas de trace des. Ce que j'ai compris. Je ne pense pas en avoir vu. Madame. Avec les passes, vous en auriez sans doute aperçu. Il y a cependant quelqu'un peut-être, mais cela est pas probable. Mais puisqu'il a quitté Venise, normalement, il n'y a pas de raison qu'il puisse intervenir. Mais l'ex-mari de Madame de Attilio, qui le père de Madame Elea. Lorsqu'il est parti, fâché à voler les clés de Monsieur Alessandro, malheureusement pour lui, nous avons fait savoir l'affaire et il a été décidé qu'il devait quitter Venise, ce qu'il a normalement fait. Ça me semble très étrange, mais... Peut-être cette information vous sera utile d'une quelconque façon. C'est en effet une information plutôt intéressante. J'aimerais parler à Kornilov en privé, ou du moins lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Vous pouvez. Il faut que je finisse avec le majordome, je le remercie. Kornilov, après, Kornilov, surtout ce que son avis m'intéresse, mais si les autres du groupe, évidemment, entendent, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est plus la famille qui, évidemment, ne devrait pas trop... De toute façon, vous dominez le truc, donc vous pouvez vous écarter, parler entre vous, revenir. C'est vraiment vous qui menez la danse. Cette entrevue, et je vais faire... Je pense qu'il faudrait qu'on les sépare dans des pièces différentes. Et qu'on les interroge chacun les uns après les autres. Le problème, c'est que lorsqu'ils se retrouvent comme ça en groupe, ils sont entre guillemets dans une position favorable pour se concerter. Je veux dire, si, on ne sait pas si ça se trouve, il y en a deux qui ont coopéré à l'assassinat. Ça se trouve, certains ont des intérêts qu'ils n'oseront pas dévoiler ou des doutes qu'ils n'oseront pas dévoiler pour ne pas avoir l'impression de trahir les autres membres. Il faudrait donc qu'on les réunisse chacun dans des pièces différentes et qu'on les interroge en leur promettant de ne pas dire d'où viennent les potentielles informations qu'on pourrait récupérer. Personnellement, je sais pas si Cornilla et si les autres vous êtes d'accord avec ça. Justement, là-dessus, j'ai pensé déjà, j'y ai pensé à utiliser cette technique, mais plus car je vois un autre intérêt qui que nous pouvons, si jamais, comparer ce que nous disent les uns aux autres par rapport à leur version. Oui, mais vu que c'est le majordome qui a découvert le corps, je sais pas si on peut vraiment. Mais en tout cas, sur ce qui précède, à part la découverte du corps, sur les disputes, ce genre de choses, on peut comparer et voir si quelqu'un... Enfin, le souci, c'est que là, vu qu'ils sont en groupe, si jamais le meurtrier se cache parmi entre eux, il suffit que... Enfin, si jamais un détail qui pourrait le trahir... Enfin, je veux dire, il a juste à reprendre la version de ce qu'a dit quelqu'un d'autre avant, et, enfin, c'est ce que je veux dire. Là, on peut les isoler plus facilement, effectivement, si jamais nous les interrogeons. Donc, à part, mais cela reviendrait très, très chronophage. Et... Mais bon, nous avons tout notre temps. Oui, nous avons tout notre temps en soi. Et surtout, il en faudra sans doute un minimum, parce que ça fait 4 jours que le meurtre a eu lieu. Difficile de savoir s'il était prémédité ou pas. J'ai pas forcément l'impression que ce soit le cas. Enfin... Il y a plein d'autres manières de se débarrasser d'une personne, surtout quand on est ici d'une riche famille comme ça, en prenant moins de risques qu'en allant la poignarder dans le dos en plein milieu de la nuit. Enfin, en plein milieu de la nuit. Il était habillé en pyjama ou pas? Oui, je crois, non. C'était une... ouais, en fait, ce que je disais, c'est pas vraiment pyjama, c'est tenue de soirée, mais qui ferait pyjama. Oui, c'est ça, oui. Ok. Donc sans un doute... pyjama de l'ordre, quoi. Après, il était pas sous les draps, c'est vrai que je suis en train de réaliser, mais il était pas sous les draps. Hein. Non. Donc il était sans... il est pas sous les draps. Doute qu'il a été réveillé et qu'il y a au moins eu une discussion avant qu'il se fasse assassiner. Il a pas été surpris dans son sommeil. Ou alors il dormait dans des positions un peu étranges, habillé, allongé sur le ventre. Il aurait très bien pu se faire tuer pendant qu'il allait, enfin au moment où il allait se mettre. Exact. Mais vu qu'il s'est couché avant tout le monde, alors on aurait vu quelqu'un quitter la table et le suivre. Ce qui n'est pas le cas a priori. Ouais. Mmh. Donc soit la personne l'a réveillé pendant la nuit et lui a parlé. On est d'accord, il n'y a pas d'électricité dans cette maison. Si, il y a de l'électricité, surtout chez les riches. Hein. C'est là où il y a le plus d'électricité, oui. Facilement. C'est que les riches, eux, ils ont à balle. Je veux dire, parce qu'on aurait pu voir s'il y avait des allumettes qui avaient été craquées ou un truc comme ça, mais du coup, non. De toute façon, les allumettes, du coup, c'est du bois, donc. Hmm. Non, j'imagine que... briquet doit être un peu plus utilisé dans l'univers des crimes. Oui. Même oui, de toute façon, historiquement, aujourd'hui, le briquet, c'est plus vieux que les allumettes dans notre monde. Ah ouais. Et les allumettes sont en bois, donc ils ont pas... ça coûterait beaucoup. Non, bah du coup, sans doute qu'une personne est venue, peut-être l'a réveillée pendant son sommeil, s'est levée, ils ont discuté, elle l'a poignardée. Ou alors, un inconnu était caché dans la chambre et l'a poignardé au moment où il est monté. Ou quelqu'un trouvait le moyen de s'éclipser. Dans tous les cas, il va falloir qu'on interroge la famille pour... Tiens, bonne question. Est-ce que nous avons pensé à examiner les traits de son visage? Voir s'il y avait une sorte de surprise, une tête... une sorte de... Chante pas. S'il était paisible... Ah, oui, ce que je veux dire. De toute façon, vous l'avez vu quand même, tu vois, genre, pas besoin d'y retourner, parce que vous l'avez quand même beaucoup regardé, et non, il avait pas un visage particulièrement effrayé, par exemple. Ouais, il était pas tétanisé ou quoi. qui avait l'air d'avoir mal. Il avait le visage de quelqu'un qui a un couteau dans le dos. Quelqu'un qui s'est fait surprendre. Enfin, qui a été. Qui a vu le coup venir, quoi. Voilà. Pourrions du coup commencer à mener des interrogatoires dans des pièces séparées et éventuellement inspecter les autres pièces de la maison pour voir si il n'y aurait pas des traces, par exemple, de quelqu'un qui aurait pu rester caché quelque part. J'aimerais savoir aussi quelle était la chambre la plus proche de la sienne et qu'on essaye de voir à quelle heure les gens sont allés se coucher et aussi à quel point le bruit se propage à travers la maison. Et en tout cas, c'est ce que je vous propose, à vous de me dire vos avis. C'est sûr que le fait de les interroger séparément, de toute façon, ça paraît être évident parce qu'on sait pas réellement combien il peut y avoir de d'assassins. Oui. Si y en a qu'un ou si y en a qu'un. Plus on va leur laisser le temps d'être ensemble et plus ils auront tendance à rendre plus fort leur témoignage, d'autant plus que du fait que je connaisse un petit peu ce milieu-là de par ma famille, je sais que ces familles ont horreur du scandale et faut qu'on parle de la famille que dans le bon sens du terme et pas dans des trucs fratricides ou trucs entre eux. Du coup, ils auront même tendance à se défendre mutuellement quoi qu'il se passe pour pas qu'on salisse le nom de la famille Del Attilio. Donc, ça va être important de pouvoir les séparer, d'essayer de peut-être toucher des points sensibles qui pourraient séparer une personne et peut-être nous informer sur des tensions qu'il pourrait y avoir entre les uns et les autres de façon assez intime, quoi. Voilà. Et puis bon, après, de mon côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que j'essaierai de voir auprès de mon oncle à savoir s'il n'y avait pas déjà des querelles internes entre les différents membres de la famille qui pourraient arriver à... Moi je pense que je sais pas si on l'a demandé, mais il faudrait demander au majordome si du coup il ferme les chambres ou pas la nuit, et donc si la chambre de monsieur était fermée cette nuit. Il a trouvé la chambre ouverte au matin. Ouais. Très bien. Ouais. Je vais en profiter, comme d'habitude, vu que c'est le relancement. Je me permets de donner des indices que plus tard je ne ferai pas. Enfin, des indices, surtout une indication, c'est faites quelque chose du corps. décidez-vous de ce que vous en faites, autopsie, pas autopsie, mais... Il dégage. Enfin, ouais, le laisser juste pas pourrir sur le lit, quoi. Enfin, gardez-le le temps que vous considérez que ça utile pour l'enquête. Mais considérez assez rapidement, maintenant que vous avez l'enquête, laissez pas là une semaine, quoi. C'est le truc. Oh, pourquoi pas. Voilà. Après, est-ce qu'on a un moyen, est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir le conserver sans pour autant le laisser pourrir, voilà. Est-ce que c'est un moyen, quand même, à cette époque-là, de pouvoir... La conservation, oui, mais c'est du court terme, on n'est pas à l'époque des chambres froides et des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est même plutôt l'inverse, oui, puisque dans la vraie vie, c'est plutôt l'inverse. Mais il y a moyen de le conserver un peu sur du court terme. Et de toute façon, la meilleure façon, là pour le coup, je vous dis, la meilleure façon d'avoir des informations, on le sait, c'est une autopsie. C'est juste que faut une exception exceptionnelle ou alors faut aller dans les coins illégaux. On peut toujours passer par la voie légale, dans un premier temps. Puis après, ouais. Oui, c'est ce que je t'appuie là-dessus. Mmh. Il tort. Surtout que si on passe par la voie légale, on aura peut-être plus de matériel ou peut-être plus de... On s'intéresse peut-être d'abord à nous interrompre avant de partir avec le corps. De quoi ? Oui. Oui. Fais du corps. C'est sûr, ce n'est pas dans l'immédiat, mais en tout cas, je pense que... sans doute. Mais je crois que tu devrais prendre des cachets, Corninoff. je t'entends à s'étouffer. Un peu de miel, peut-être, te ferait du bien. C'est la pipe, comme ça. Enfin, en gros, ça voit. Enfin, moi, de mon côté, il n'avait pas la voix enrouée, mais... Non, mais moi non plus, mais écoute... Donc, sur ce... Vous allez vous atteler de diviser les gens, du coup, dans les salles, surveiller un peu les salles, déjà, avant d'y mettre les gens. Pour le corps, du coup, enfin, vous n'allez pas le faire immédiatement, mais du coup, pour savoir, est-ce que vous décidez, du coup, de faire une autopsie, si j'ai bien compris, c'est ça? Vous allez demander une requête okay. Oui, exact. Ok, pour que je le sache, comme ça sera traitement, on ne serait pas obligé de le rappeler. Je sais que du coup, ça sera frais dans les événements. Ça permet de fluidifier un peu la narration. Donc l'idée, c'est que vous le retirez peut-être d'ici ce soir ou demain soir maximum. Donc vous avez au moins une journée ou deux dans lequel vous pouvez encore regarder les détails autour de la scène de crime. De toute façon, plus ça attend et plus ça sentira mauvais. Donc pour vous, c'est pas si mal si vous envoyez quelqu'un s'en occuper. Donc vous divisez les gens. Vous divisez les gens, mais j'ai quand même une question. Est-ce que vous divisez tout le monde ou est-ce que vous laissez Eléa rester avec sa mère? Non, on divise. Aucun respect pour la diviser complètement, ouais. Ok, l'enfant. Vous divisez complètement, donc... Oui. Non, je disais, l'enfant, c'est un bon potentiel. Donc il faut le séparer. Eléa, du coup, vous la mettez à part, donc je suppose que vous lui donnez quand même un petit truc pour qu'elle s'occupe, parce que contrairement aux autres adultes... faut qu'elle soit enfermée dans un placard. C'est stabilisé. On ne reverra jamais ses parents, sa mère. Non, mais tu peux la laisser, avec le majordome qui va s'occuper, qui va jouer avec elle en attendant qu'on s'occupe. Oui, voilà, en fait, vous faites juste en sorte qu'elle reste quand même dans un bon mood d'enfant. Voilà, qu'elle ne sente pas qu'elle va se questionner, quoi. Très bien. Qui vous décidez d'interroger en premier? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez senti plus que les autres? Je pense que Alessandro pourrait être intéressant vu que il a été dit que il se serait fâché avec le père d'Aléa et que celui-ci serait parti avec ses clés, si j'ai bien compris. Ouais. Il y a un truc qui couvre entre les deux et qui pourrait être peut-être intéressant à creuser. Et après, c'est des questions par la suite qu'on peut peut-être aussi poser à Erwana par la suite. Voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais très bien. Il faut bien choisir de toute façon. Oui, tu vois. Bien commencer par. Il faut interroger le majordome aussi. Hein. Il est pas. Oui, clairement vous. Enfin, le majordome là, il est avec en train de s'occuper de Eléa, mais vous l'interrogerez séparément. Oui. Vous allez voir du coup Alessa Sandro, qui est du coup assis là où vous l'avez demandé de s'asseoir dans une des pièces au pif, on va dire la cuisine. Quoi. Vous y rendez et je vous laisse tout simplement mener la danse, me dire ce que vous lui demandez, de lui dire comment tu vas installer. Bad cop, good cop, c'est genre vraiment. Tu sais, lui là, quand il s'énerve, ça va pas du tout. Je serais toi, je dirais la vérité tout de suite. Dites-moi. Quand on est là, avec ça. J'en ai brûlé plus d'un avec mon tabac, tu sais. Du coup, Corninoff, tu étais en train de commencer quelque chose, du coup, à dire. Non. Non, j'ai rien dit. Je te demandais juste si on était tous dans la pièce avec le monsieur, du coup, maintenant. Je pense que ça peut être bien, j'allais dire qu'il y en ait un ou deux qui se baladent, histoire d'écouter un peu les autres conversations qu'il pourrait y avoir. En fait, techniquement, il faudrait qu'on les interroge chacun de notre côté. J'imagine que dans un souci de jeu, ça serait quand même mieux de faire en sorte En fait, ça revient. Surtout en vrai, ça revient même en termes de temps de jeu, parce que bah, je peux pas vraiment vous. Enfin, voilà. Donc en vrai, on va dire que oui, vous y êtes tous, comme ça, ça permet si quelqu'un a une question qu'il puisse la poser. Quoi. Si on est d'accord, c'est vrai que dans la vraie vie, normalement, tu les interroges tous séparément. Oui, dans la vraie vie, ouais, tu peux. Vous pouvez vous séparer en 4, ça irait plus rapidement. Mais voilà, en jeu, comme ça revient en même, là, on va favoriser la cohérence de jeu. Du coup, je du coup, je salue encore une fois. Je vous écoute. J'arrive en mode je n'ai pas trop parlé depuis que je suis arrivé. Tu sais que étant donné que je connais un petit peu votre famille, je suppose que vous devez vous rappeler de moi, Victor Conti. Je préférerais laisser parler mes collègues car je connais un peu votre famille et je sais à quel point ce moment est assez délicat et difficile pour vous et je ne voulais pas en rajouter plus, mais vous devez comprendre que nous sommes là pour essayer de résoudre ce meurtre et que toute information utile à notre enquête sera le bienvenu et c'est pour ça que vous êtes là avec nous en ce moment. J'entends bien. Est-ce que déjà vous avez eu vent de peut-être des tensions entre lui et d'autres membres de la famille? Oui, mais rien de bien particulier. Il y a toujours des tensions dans les familles, vous savez comment c'est. Notamment sur le nom de la petite, même le mariage posait un peu problème pour mon cher frère, mais on ne tue pas un homme pour ça. Tu es un homme pour quoi? Pour ces querelles là. Voyons. Je pense que c'est plutôt évident que vous avez tous des problèmes avec vos familles. Je suis sûr que l'un d'entre vous s'entend pas forcément. Est-ce que vous commettez forcément un meurtre parce que vous n'êtes pas en accord avec vos familles? J'ai un peu l'impression qu'il a évité la question. Ouais, je vois où vous voulez revenir. Et donc, il y avait des petites tensions par rapport au nom? De savoir quelle la petite porterait à l'avenir. Bien sûr, Erwana aimerait que qu'elle porte déjà le nom. C'est normal. Je veux dire, elle l'a porté toute sa vie. Elle aimerait bien que ça pareil pour sa petite fille qui commence déjà à grandir et qui pour l'instant se trouve être sans nom de famille. Et comment peut-on l'appeler dans la rue autrement que par son prénom? C'est pas. Ce sont pas des choses qui se font. À qui reviendra maintenant donc la décision d'octroyer le nom à la fille? Bien, à la personne qui va reprendre la succession, la famille tout simplement, par exactement et par accord de tradition, étant le plus âgé, c'est moi. Effectivement. Et quel est votre avis sur la question? Moi, je pense que aucun de ses enfants le mérite. Je vais vous le dire, moi. Cette famille, elle va... Dans n'importe quel sens, il n'y a plus rien. Nous ne sommes plus à la grandeur de notre nom et je pense qu'il faut donner un coup de pied aux fesses de ces enfants-là pour qu'ils se remettent à bouger. Lupo végétait avec son musée. Je pense que tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il faut qu'on revienne là où nous sommes bons à la base, c'est-à-dire l'art, la politique, vivre avec la société. Ouais, du coup, vous étiez un petit peu en désaccord sur la direction que avait choisi Lupo pour votre famille. Oh. Un peu, oui, mais C'est des... commun dans la famille, je veux dire, Lupo est en désaccord déjà avec notre cher père. Ouais. Et je regarde un petit peu mes camarades, mais juste comme ça, le soir du meurtre, vous vous êtes couché tard, en fait ? Assez tôt, à la tombée de la nuit, vers les eaux de 23 heures. Quasiment toute la famille se couche à cette heure-là, les deux mariés, qui profitent de leur jeunesse. Mais bon, la plupart de la maison se couche aux alentours de 23 heures. Okay. Sauf le jeune couple, quoi. Vous n'avez pas entendu de bruit particulier pendant la nuit, des choses qui sortent de l'ordinaire? Il y avait des bruits dans la maison, je ne saurais pas dire. Il y avait Luigi et Alan qui faisaient pas mal de bruit en fêtant un peu leur soirée. Du coup, malheureusement, mis à part ces bruits-là, je n'ai pas fait attention à d'autres choses. On va les autres, vers les autres, hein, s'ils n'ont pas des questions. Hein. Ce qui leur vient à l'esprit. Korninov. Esther. Hugo. Pourquoi n'êtes-vous pas marié? Voyez-vous, il y a des choses qui prennent. Que vous voulez cacher au ministère de la propagande? Okay, je dirais. Bien sûr que non. D'autant plus que mon mariage, s'il existerait, n'aurait rien de bien secret. Mais non, il y a des choses qui prennent un temps que je trouve non nécessaire. Et les gens sont trop occupés à se marier ici et là. Pour dire la vérité, je n'ai aucune attirance envers qui que ce soit. Donc... non marié par choix. Tout à fait. Et quelles sont vos suspicions quant à l'assassin? Si vous en avez, bien sûr. Pour dire vrai, vous savez, je suis un peu... comme ils disent les jeunes, la grosse gueule de la maison, mais j'ai du mal à croire que ce soit l'un de la famille. C'est... je veux dire, oui, il y a des dissonances, mais on a toujours été une famille malgré tout. On vit au quotidien ensemble. Je sais pas. J'ai du mal à voir qui pourrait faire ça. Un majordome, par exemple? Voyons. Il est là depuis... depuis au moins, je crois, notre père. Ouais, je crois même qu'il a peut-être connu notre grand-père. Déjà, cet homme a une longévité incroyable, mais il a toujours été fidèle à la famille. Il respecte son serment, nous servir. Jusqu'à présent, je vois aucune raison pour laquelle il aurait pu s'en prendre à Lupo. Ils ont fini comment vos paternels et vos arrière-paternels dont vous nous parlez? Bien, mon paternel, il est mort tout simplement d'une cause naturelle. Il me semble que on parle, je pense, que son cœur s'est juste arrêté une nuit. Il est mort durant son sommeil. J'étais plutôt âgé. Quant à mon grand paternel, je ne crois pas m'en souvenir, mais il y avait quelques histoires. Il me semble que Il est tombé malade, quelque chose du genre. Je suis désolé, je me souviens plus exactement. Je l'ai pas beaucoup connu. C'est suffisant. Et sinon, si vous pouviez un petit peu faire un petit peu le résumé de ce qui s'est passé entre vous et les pères de la petite, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez que les relais et que ça s'était plutôt mal terminé. Ah oui, enfin, ce n'est pas moi directement qui me suis querellé. Enfin, bien sûr que si, je me suis querellé avec lui, mais comme tout le monde de la famille, c'était quelqu'un de mauvais, vous savez, un peu trop opportuniste. Vraiment, c'est un écornifleur pour la famille et même ma Erwana le savait. Ce garçon, c'est un Ordanien. Vous savez peut-être que la famille aime se reproduire avec des Nordaniens de génération en génération. Des traditions très intéressantes. Ce garçon était... Mais il y a un accornifleur, il n'y a pas la meilleure chose à dire. Et lorsqu'il a fallu lui dire qu'il devait partir, il a essayé de faire de la résistance, je suis intervenu et il a volé mes clés durant la bagarre. Enfin, c'était quand il y a maintenant de ça quand même quelques années. 1125, je crois. Il a potentiellement les clés pour rentrer chez vous. Potentiellement, mais vous savez, il a été seulement deux lunes plus tard. Il a été exilé de Venise. Il a dû trouver une autre cité où habiter. Et depuis, nous n'avons jamais entendu parler de lui. Ouais. D'accord. C'est quand même quelque chose que nous ne devons pas écarter. Là, j'avoue que je coince un peu au niveau des questions. Est-ce que vous avez vu le corps ? Oui. Nous l'avons tous vu après que notre majordome nous a avertis de ce qui se passait. D'accord. Est-ce que la petite est au courant de ce qui s'est passé ou vous lui avez caché? Oui, la petite est au courant, vous savez. C'est une chose plutôt commune de dire tout simplement ce qui se passe. C'est plus sain. Certaines personnes pensent que faut mieux cacher la vérité, mais je pense que vous êtes d'accord, c'est un avis minoritaire qui n'est pas intéressant à prendre en compte. Ça ne les aide pas, les gosses. Mais oui, nous sommes de la vieille école, on préfère le dire, et elle est triste, mais le vit très courageusement. D'accord. Ok. Après, moi, enfin, pour ma part, je pense que je vais pas avoir plus de questions. Je sais pas si on fait pourrait faire un petit bilan de cette première ce premier interrogatoire. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai pas d'autres questions. Après, si vous en avez d'autres, faites-vous plaisir. Non, j'avoue que là, de tête, tout de suite. Il n'y a pas de souci, vous pouvez les réinterroger dès que vous voulez. Hein, donc, Parce que de toute façon, ils sont dans la maison et vous aussi, donc n'angoissez pas pour ça, ils vont pas disparaître. Enfin, normalement. Ouf. Comme ça, j'aime. Bon, ben, Kornilov et Hugo, vous avez plus rien à dire. Je pense pas en avoir d'autres de pleinement formulés pour le moment. De même. Bah écoutez, monsieur, on va vous donner congé. Vous allez pouvoir retourner dans vos appartements. Nous allons pouvoir peut-être passer à une autre personne. En tout cas, je vous remercie pour votre patience et d'avoir répondu à toutes nos questions, mais sachez que il est probable que peut-être dans le futur nous vous reposions des questions en fonction de l'avancement de l'enquête. Très bien. Voilà. Et je tiens à dire que la famille Conti vous souhaite, enfin, donne ses condoléances, bien évidemment. C'est agréable à savoir. Très bien. Avant d'enchaîner sur quelqu'un d'autre, je vais demander à Esther comment elle se sent, ses ressentis, etc. Bien, je dirais que les dernières semaines ont pu être assez compliquées avec cette espèce de poste à faire pro il procedimento. Plus Esther de son côté est vraiment restée focalisée dedans et aura du mal à vraiment retrouver sa vie d'avant, donc elle n'aura pas été arrêtée. D'autant plus après ce qui s'est passé la dernière fois. Du coup, ça faisait ça a créé un mood un petit peu particulier. Le retour de cette espèce de paranoïa, cette volonté de tenter de récupérer une information à droite à gauche sur comment évolue l'affaire. Et là, le fait de pouvoir penser à autre chose, c'est pas plus mal. Ça fait du bien, c'est agréable. De repartir un petit peu à zéro, même si pour l'instant on n'a pas énormément de pistes non plus, j'ai l'impression. Donc l'affaire est pas donnée. En réalité, la seule piste vraiment intéressante qu'on ait, c'est celle qui est difficilement vérifiable, c'est celle du mari qui est parti. Mais malheureusement, ça va être compliqué de réussir à découvrir s'il aurait pu venir ici pendant la nuit ou pas. Maintenant, je pense qu'il va falloir approfondir ça et surtout en effet comparer un petit peu les réponses à la fin. À la limite aussi, ça pourrait être intéressant d'aller fouiller la maison, par exemple, que pendant que vous fassiez les entretiens, j'aille fouiller de mon côté, voir si je trouve la moindre trace d'infraction, pardon. Si je retrouve l'arme du crime également, peut-être. S'il a l'air de manquer quelque chose qui aurait pu servir d'arme du crime, donc des couteaux peut-être, ou autre. Et okay. Du coup, j'ai pas répondu à la question, j'ai pas vraiment dit comment je me sentais non plus. Du coup, j'imagine un peu soulagé. Pas soulagé en mode le monde va bien, mais soulagé en mode j'y pense plus. Ouais. Là, actuellement, ça ne repense pas, elle se dit maintenant. Et puis ça change aussi un petit peu les rires. Vous essayez d'interroger qui en second et sûrement la dernière personne pour nous, notre soirée de jeu de rôle. Moi, je vais laisser les autres choisir. Je pense que le deuxième interrogatoire, je vais passer à fouiller. Ok. Je pense que ça dépend si on veut prioriser le point de vue a priori innocent et non corrompu de la petite fille ou Erwana pour continuer avec l'histoire des tensions interfamiliales et tout le machin. Enfin, intrafamiliale, je voulais dire. À savoir que déjà, je pense que le Alessandro, il est vraiment en posture de patriarche. Donc, lui, son rôle, ça va être vraiment, quoi qu'il se passe, de protéger tout le monde. Même si, même s'il peut être au courant de choses qui pourraient faire basculer, il serait capable de rien dire. Parce que... Je pense que c'est... Pardon. Oui, vas-y. Non, je termine, c'était pour tapis. Vas-y, termine. Non, mais en gros, c'est ça. Enfin, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est que c'est typiquement le genre de personne, tu vois, qui met la famille au-dessus de tout. Et surtout le nom. Il l'a bien dit, de toute façon, dans la façon dont il a répondu. C'est qu'il veut redorer le nom de la famille, qu'elle remonte au plus haut point. Et ce genre d'événement, s'il s'avère que c'est quelqu'un de la famille, ce serait vraiment pas bon. Donc, pour moi, il est tout à fait capable de protéger des gens pour ça, quoi. Enfin, ce serait pas quelque chose d'impossible, quoi. C'est tout. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que même si ce n'était pas lui, ça l'arrange bien, quand même, ce qui vient de se passer. Tout à fait. Il arrive en position de pouvoir, sauf peut-être que peut-être pas qu'il était tant l'héritier désigné que ça à la tête de Lupo. Faudra en parler à sa fille. Mais en tout cas, s'il y en a un qui s'en profite, c'est bien. Après, comme on a dit, le coup des coups de couteau, tout ça, laisse à supposer que c'est quand même quelque chose qui est... Enfin, c'est pas la façon, en tout cas, la plus réfléchie pour quelque chose de prémédité et de planifier, quoi. Mais en tout cas, ça lui en profite bien. Je pense que ça peut être intéressant d'interroger la fille dans la foulée. Pas la petite, oui. Hein, la fille de Lupo. Très bien. Vous allez interroger, donc vous trois, en tant que caster, elle va faire le tour. Exactement. Je vous laisse, du coup, les interroger. Alors, du coup, je refais un peu le même truc. Hein, bonjour. Merde, ça s'appelle comment ça ? Erwana. Bonjour, Erwana. Je pense que... Que tu te rappelles de moi, Victor Conti, moi je l'espère. Ah non. Oui, la brebis galeuse de la famille Conti. C'est ça, oui, effectivement, la brebis galeuse. Je n'ai jamais été vraiment très à l'aise avec votre monde. Ce n'est pas vraiment là où je suis le plus tranquille, mais soit. Toutes mes condoléances pour Lupo, pour ton père. Merci. Mes camarades et moi, nous sommes là, comme tu sais, pour essayer de résoudre cette affaire, ce meurtre terrible. Et j'espère que tu vas pouvoir nous aider grandement, partageant toutes les infos qui pourraient être utiles à cette enquête. D'ailleurs, si jamais tu as... peut-être des choses à dire avant même qu'on pose des questions, n'hésite pas, hein. On est tout à fait à ton écoute. Je ne sais pas. Vous savez, on s'attendait pas à une telle chose dans la famille. C'est soudain et assez plus qu'inattendu. Ouais. Pour commencer, tu ne sais pas si ton père avait peut-être des problèmes ou des ennemis, des gens qui lui voulaient du mal. Mon père, comme dit, c'était un grand misanthrope. Il n'aimait pas beaucoup les gens et les gens l'aimaient pas particulièrement non plus, mais... Sans qu'il n'y ait de haine au milieu de leur relation, c'est juste... on savait que ça ne marchait pas, alors les gens l'ignoraient. Et lui, il était très bien comme ça. Les seuls gens avec qui ça s'entendait, c'est les gens qui venaient visiter son musée. Donc oui, mais de là à parler d'ennemis, je ne pense pas... On va dire pour beaucoup, le fait que notre famille ait disparu de la sphère politique est même positif. Ça fait de la place, vous comprenez. Ouais. Donc, pas d'ennemis. Enfin, pas de personnes qui pourraient lui vouloir du mal, donc. Du mal, non. Mais, comme dit, des gens qui s'entendent pas, oui, mais du mal, je ne pense pas. Tu peux nous en dire plus, du coup, sur cette affaire entre ton mari, enfin... ton ancien mari, si je puis dire maintenant, mais ce qui s'est passé dernièrement, enfin ces dernières années. C'est une affaire, un magnifique drame familial, encore une fois. Non, vous savez, ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. Le mariage était arrangé, ça permettait de permettre de sortir un peu de cette sphère et Artus a été une des pires personnes auxquelles j'ai côtoyé ces dernières années. Je regrette d'être aussi... avoir la langue aussi pendue, je vais dire, mais... ce n'était pas une bonne personne et il ne mérite l'amour de personne en ce monde. Et pourquoi donc, si ce n'est pas indiscret ? C'est vraiment juste une mauvaise personne. Il profite des gens, de sa situation, et c'est un mal éduqué. Je dirais même un ignoble dans sa façon d'être. C'est compliqué à résumer quelques années de relations en quelques phrases, mais il n'avait de respect que pour lui-même et les gens qu'il méprisait, il pouvait leur faire la pire des crasses. Si je me permets de m'exprimer ainsi. Et qu'est-ce qui a du coup valu cette dernière brouille entre vous qui a causé le fait de, enfin, qui a fait que il a dû partir, enfin. C'est un accord. À vrai dire, j'en avais marre depuis déjà quelques années et. J'en ai longuement discuté avec Père et après un temps où il a passé à vivre ici, Père a été a confirmé ce que je lui rapportais et a décidé qu'il fallait mieux que notre relation s'arrête là. Pour une fois, je peux dire que j'étais vraiment d'accord avec mon père. Donc c'est Lupo qui a décidé que cette relation devait se terminer et qu'il devait partir. Comme dit, c'était une relation arrangée à la base. Cela arrangeait deux familles qu'on se réunisse, mais... Oui, Lupo a préféré arrêter. L'être humain derrière cette union ne valait pas le coup. Ok. Bon, j'ai cru comprendre qu'il avait gardé les clés de la maison. C'est cela, oui. Il les a ramassées après une bagarre avec... avec mon oncle et quand nous l'avons signalé, il est passé devant la justice de Venise qui a décidé que son exil serait profitable à la cité. Bon. Et donc et suite à cette brouille, il a été expulsé. C'est cela. Dites-moi, votre père avait une figure de patriarche, en quelque sorte, dans la famille à présent. Qui à la tête Ça dépend si nous nous situons du côté volonté ou du côté traditionnel. La tradition veut que ce soit toujours l'aîné, le plus âgé, qui prenne... les rênes de la famille, le temps d'eux. Du coup, ça reviendrait à mon oncle, mais la vraie tradition, normalement, faisait de cette famille une famille matriarche, à vrai dire. Et depuis quelques générations, cela s'est perdu, laissant les hommes prendre des décisions. Et selon cette véritable tradition sur laquelle voulait revenir d'ailleurs mon défunt grand-père, c'était bien cela, c'était de retourner à une tradition matriarche. Et de là, ça aurait été normalement moi, mais je sais très bien que sans appui du reste de la famille, je ne compterais pas là-dessus. Vous avez des choses à me dire sur ce grand-père qui voulait rétablir le matriarcat ? Oh, c'était un très gentil homme. Vous savez, je ne l'ai pas longtemps connu. Je vais même dire, Je ne l'ai connu que par des histoires, si et là, je... Il me semble que mes premières années, il était encore en vie, mais j'ai même des doutes. Vous savez, les premières années de nos vies ne sont pas là où notre mémoire fonctionne le plus. Mais il fait partie de ceux qui ont décidé d'éloigner notre famille du pouvoir de Venise. Décision qui avait été énormément contestée, mais dont je comprends les fondements. Et il souhaitait juste qu'on se ressente sur nous et qu'on... Vous savez, le problème d'avoir une famille avec une pression, c'est que on perd finalement la famille et toute discussion familiale devient une discussion de pouvoir. Et mon grand-père en avait marre et il essayait de revenir un peu à la base de notre famille, qui est celle d'artisans, d'artistes avant tout. C'est un bon choix. Je le trouve aussi. Ça fait du bien de revenir à quelque chose qui est finalement essentiel. De plus humain. Oui. Ouais, mais ça, malheureusement, petit aparté, ma famille ne l'a jamais compris et ne le comprendra jamais. C'est ma famille n'est pas partie non plus sur le bon sens. Hein. Je suis presque persuadé que maintenant qu'Alessandro a ce qu'il voulait, c'est-à-dire la possibilité de remettre la famille sur le droit chemin, selon ses propres mots. Je pense que on sait tous comment ça va finir. Il va revenir dans le mouvement politique, parce que pour lui, c'est la seule façon qu'il y a d'exister. Et d'ailleurs, loin de moi l'idée de penser que il pourrait y être pour quelque chose, mais penses-tu que son envie de remettre la famille dans les hautes sphères de la ville pourrait peut-être le pousser à faire des choses de ce genre? Je ne sais pas, il a toujours été déterminé, mais à ce point-là, je dois y réfléchir. C'est vrai que c'est une personne pour qui la fin justifie les moyens. Mais il a un accord assez grand envers la famille et je ne saurais dire. Ça m'est difficile à imaginer, mais si je devais te répondre en toute honnêteté, je pense que oui. Du coup, Esther, de ton côté, en fouillant, c'est sûr, tu n'as vu aucune trace d'infraction. Ça, c'est sûr et certain. Personne s'est introduit sur le terrain. Par contre, tu vas aussi tomber sur quelque chose d'intéressant. C'est que parmi, finalement, les sets de poignards, parce que la famille a des poignards, tu sais, des buffets, mais pas du tout, dans des vitrines, en gros. Voilà. Et bah, la famille... l'un des poignards, en fait, a été placé à l'envers.